Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Arnaud Demanche. Le titre est très bien trouvé, Sofiane. C'est tellement ça notre métier. Merci beaucoup. Salut Arnaud, comment tu vas? Salut, tu vas bien? Ça va super, merci, et toi? Bah merci, ça va très bien, ouais. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Oh bah non, mais tu rigoles, ça fait vachement plaisir. Le plaisir est partagé. Tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? En fait, c'est un truc qui revient souvent, les jeunes humoristes qui demandent comment ça se passe quand on démarre, comment ça se passe les premiers instants. Et je leur dis toujours, j'espère que vous aimez pas beaucoup manger et que vous aimez l'adversité, parce que les premières années, ouais, c'est dur. C'est très camarade, parce qu'on est tous dans la même galère, et donc du coup, on se soutient les uns les autres. Ça, c'est cool. Mais les premières années, c'est pas facile, ouais. Tout le monde a ramé. Totalement, ouais. Moi, je me souviens quand j'ai démarré... Enfin, après, moi, j'ai démarré d'une manière un peu étrange, parce que j'ai démarré avec un truc qui était gonflé. J'ai usurpé l'identité du président. Donc évidemment, ça te positionne déjà sur un truc un peu chelou. Ah, d'accord. Ouais, j'avais acheté les noms de domaine, j'avais acheté, c'était en 2004, j'avais acheté jacqueschirac.com.org.fr et tout ça. J'avais ouvert un faux blog de l'Élysée à un moment où les blogs, c'était la mode. T'sais. Mais on parle d'un temps qui est avant YouTube, qui est préhistorique. Moi, je dis ça, pour les jeunes qui nous écoutent, j'ai connu les dinosaures. Et du coup, j'avais usurpé l'identité du président, j'avais fait un faux site de l'Élysée dans lequel je racontais la vie de Chirac. Aujourd'hui, j'ai fait ci, aujourd'hui, j'ai fait ça. Et les journalistes y ont cru. Donc, il y a eu un peu d'articles de presse sur « c'est fantastique, quelle modernité, l'Élysée se met au blogging, c'est le monde de demain, c'est l'Internet 2.0 ». Et en fait, personne n'avait une vraie connaissance du web. À l'époque, je te parle d'un temps où ce qui était marqué sur Internet, c'était vrai. Alors bon, ouais, c'était... voilà. Il y a encore plein de gens qui croient que ce qui est sur Internet est vrai. Hein. Il y a plein de gens qui croient qu'il y avait de la 5G dans les vaccins. Mais à l'époque, voilà, c'était... si c'était sur Internet, c'était vrai. Et puis là, oui, c'était le vrai nom de domaine. T'as profité un petit peu des balbutiements en fait, d'Internet pour imposer cette idée qui est, mais somme toute, géniale, quoi. Bah ça a très bien marché du coup, parce que les journalistes y ont d'autant plus cru que c'était les vrais noms de domaine, ils n'avaient pas de raison de remettre ça en cause. Donc il y a eu quelques articles dans la presse, et puis au bout d'une semaine, il y en a quand même un plus dégourdi que les autres qui a compris que c'était pas Chirac, c'était moi. Ils ont trouvé mon nom, et alors là j'ai refait la tournée des médias en expliquant que je m'étais fait passer pour le président. Ça a fait rigoler tout le monde, et Canal+ m'a embauché. C'est Carl Zéro qui m'a repéré et qui m'a offert un poste d'auteur chez lui et puis de responsable Internet. Et j'ai travaillé avec Carl pendant 5 ans. Mais génial. Du coup, c'était pas sur scène du coup. Tu vois, c'est un début un peu étrange pour un humoriste. Je suis rentré en tant qu'auteur, moi. La scène, oui, c'est plus tard. Je comprends, mais en même temps, tu es rentré déjà dans le microcosme de l'humour, parce que quand même, Carl Zéro, c'est quand même une sommité dans le milieu, quoi. Je veux dire, on le reconnaît tous. Tu vois, tout ce qui est l'humour à l'époque, quand Canal+ était encore Canal+, tu vois, voilà, l'humour Carl Zéro, l'humour Groland, tout ça, tu vois ce que je veux dire, c'est tout de la même famille, je pense. C'était une référence, c'était l'âge d'or de Canal. Mais en fait, mes galères, moi, elles sont arrivées assez tard dans ma carrière, c'est assez curieux. Les premiers temps, ça a été plutôt cool. J'ai monté avec Frédéric Royer et Stéphane Rose une émission qui s'appelait Les Gérards. C'était les récompenses du pire. Il y avait les Gérards du cinéma, les Gérards de la télévision, les Gérards de la politique. Je connaissais les Gérards, mais je savais pas que tu faisais partie du lancement d'origine, quoi. Ouais, je suis à l'origine. Et au début, c'est pareil, ça a marché tout de suite. On a fait ça d'abord au Baron, qui était un bar branché. Je crois du 9e arrondissement, et puis ça a été racheté par Paris Première, qui nous a fait faire exactement. Enfin, on a pu faire chez eux exactement ce qu'on voulait. Donc, après, il y a eu quelques petites galères dans le sens où, pour des rubriques des Gérards, je ne me suis pas fait que des copains. Et après, oui, parce que quand tu dis à tout le monde, ouais, tel acteur, c'est le pire de France, et tel animateur, c'est le plus mauvais, bizarrement, il y a des gens qui se vexent. C'est pas comme si c'était un milieu d'égo, tu exagères. Non, mais il y a des gens qui n'ont aucune susceptibilité, mais malheureusement, tu en trouves toujours. Ah, je comprends. Et c'est vrai, tu vois, moi, ça me fait marrer. Quand je fais des recherches, en fait, sur un acteur, par exemple, que j'ai vu dans un film, et je me dis, mais je suis sûr de l'avoir déjà vu autre part et tout, je vais sur sa page Wikipédia, et quand je vois que le mec a gagné un Gérard, ça me fait toujours sourire, tu vois. Je trouve que ça Ben, donne un côté sympathique, au final. un côté sympa, il y avait un réalisateur, David Charron, qui avait réalisé Cyprien, le film d'Elie Semoun, qui avait demandé à son distributeur et à son producteur s'il pouvait mettre une étiquette Gérard du plus mauvais film sur le DVD. Les macarons, quoi. Et le producteur avait dit non, mais l'idée était super. Et je suis sûr qu'en plus, ça aurait marché. Ça donnait vraiment un côté sympa. Les Gérards, c'était très cool. Les galères, c'est venu après. Les galères, c'est quand j'ai voulu faire de la scène tout seul. Et là, ça a été la chute. Parce que avec les Gérards, on était monté très haut. On était allé jusqu'au Palace, tu vois. Enfin, Bobino, le Palace, la Salle Wagram, c'était des grosses salles. Ça fait 1000 places. Moi, je m'étais habitué à avoir un public qui était chaud bouillant parce qu'il venait voir une émission dont il connaissait déjà le potentiel humoristique. Il savait qu'il y aurait deux, trois people, il savait qu'on allait balancer deux, trois missiles. Et en fait, ils étaient contents quand ils rentraient sur scène. Et après, bon, bah, j'ai quitté les Gérards et l'émission s'est arrêtée. Et puis, j'ai fait deux, trois trucs en télé, mais ce n'était pas vraiment ma came. Et je suis parti, et je me suis dit, je vais faire du one man. Et c'est quand j'ai commencé le solo sur scène qu'en fait, j'ai pris toutes les galères que prennent les jeunes humoristes qui démarrent habituellement. Sauf que pour moi, elles ont été encore plus compliquées à vivre puisque j'avais connu du succès avant. C'est-à-dire que tout avait été comme sur des roulettes pendant 7 ans et d'un seul coup, c'est difficile. Parce que les gens, ils connaissaient les Gérards, mais ils ne connaissaient pas Arnaud Demanche. Ils connaissaient Carl Zéro, mais ils ne connaissaient pas Arnaud Demanche. Ils avaient vaguement compris qu'il y avait un gars qui s'était fait passer pour Chirac, mais ils avaient oublié mon nom. Donc quand j'ai lancé mon premier spectacle, bah, je me suis retrouvé avec 5 personnes alors que j'avais été habitué à parler de chiffres d'audience en centaines de milliers et que j'avais entre 800 et 1000 personnes sur les derniers Gérards. Donc ça faisait vraiment, vraiment bizarre et je l'ai beaucoup plus mal vécu que quand tu débutes et que tu rames, mais tu te dis c'est le jeu de ramer. Ce qui s'est passé peut-être, c'est que tu vois, t'es parti, t'avais l'impression de repartir de zéro comme au départ, quoi. Exactement. Et sauf que comme j'avais goûté au fait que ça marche, moi j'étais dans le mal, ouais, ça faisait beaucoup plus mal de voir ce qu'il y avait eu avant et de comparer à ce qu'il y avait maintenant. C'est vrai que j'ai appris ce que ça pouvait être qu'une représentation difficile, c'est-à-dire que tu te pointes à ton théâtre et tu as 3 réservations et tu joues devant 3 personnes, ça fait chaud quand tu sors du Palace et de Bobino, quoi. Ça réveille, il faut se mouiller la nuque avant de rentrer quand même. Oui, il y en a pas mal qui ont bu la tasse aussi, je connais. Ouais, c'est parce que c'est très déroutant. Tu as été habitué à un certain, j'allais dire, un certain standing, et puis d'un seul coup, tu te retrouves dans le truc normal. Mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est-à-dire qu'il faut passer par cette étape-là. Mais pour la première année, ça fait mal. Et puis après, j'ai décidé de faire un premier Avignon. Et Avignon, c'est pareil. Ça a été une galère monumentale. J'ai eu l'impression de faire le Vietnam, tu sais, quand les mecs des films américains, ils font 6e bataillon, 3e régiment, hélicoportés, et qui sont en train de se rappeler leurs vieux souvenirs. C'était la jungle, c'était horrible. Il est mort dans mes bras. Mais j'ai pas lâché. J'ai rien abandonné. J'ai allé jusqu'au bout pour avoir le privilège de rentrer chez moi et de dire à ma femme que j'avais défendu mon pays. Et j'avais un peu ce rapport-là à Avignon, parce que quand je suis arrivé à Avignon, j'y suis allé sans producteur. J'ai loué un théâtre qui n'était quand même pas un théâtre dégueulasse. C'était un théâtre assez coté d'Avignon qui s'appelle le Théâtre des Corsins, qui est sur la petite place dans laquelle tous les humoristes vont. Mais par contre, j'ai pris un horaire qui était une très mauvaise idée, parce que j'avais pris 13h30, et à cette heure-là, les gens, ils mangent. Donc, te retrouves avec un théâtre qui t'a quand même coûté une blinde, que t'as payé toi-même, parce que j'ai mis un an d'économie dans Avignon. Et là, je vois dès le premier jour que ça va être un drame. Parce qu'Avignon, c'est des départs de Formule 1, quoi. Tu prends un départ, tu es en tête de la course pour tout le long. Tu prends un mauvais départ, bah, tu es coincé derrière 22 poissons dans un verre d'eau. Et bon courage pour remonter, quoi. Ah, j'imagine. Ouais. Donc ça fait que, alors déjà l'image du Vietnam, vraiment, c'est totalement ça. T'as tes Vraiment. freins qui se décomposent comme dans la jungle amazonienne. Ah, mais c'est ça. 45 degrés à l'ombre. Mais j'ai vu des gens s'évanouir à Avignon, dans la rue. Oui, tellement oui. Chaud. Ouais, mais c'est ça. Mais du coup, j'ai l'impression que avec les difficultés que tu as amassées pendant cet Avignon, donc de partir sans producteur, d'avoir mis un an d'économie, d'avoir du coup un horaire qui a été malencontreusement mal choisi, d'avoir un théâtre quand même grand et du coup dur à remplir, on va dire peut-être. J'ai l'impression que tu es parti en fait faire le Vietnam, mais sans être armé, quoi. Oui, c'est ça. Sans armes, sans préparation, c'est comme si j'étais parti courir un marathon en pirate avec des converses. Aucun sens. Et tu te retrouves dans une galère monstre parce que impréparation, parce que ton spectacle il est pas au point. Il y a un autre truc, c'est que j'étais parti faire Avignon parce qu'on m'avait dit c'est bien de faire Avignon, t'apprends beaucoup, etc. Mais j'avais pas du tout conscience de ce que c'était Avignon. Avignon, c'est un marché dans lequel les directeurs de théâtre viennent choisir les spectacles qu'ils vont programmer chez eux l'année d'après. Et moi, je suis arrivé avec un spectacle qui était pas rodé, donc en plus c'était sûr que j'allais rien vendre. Ah. Et j'y suis allé, mais avec vraiment la fleur au fusil, l'innocence complète. Et je suis arrivé là-bas. J'étais pas gros. Hein, je faisais 63 kilos à l'époque. Je suis ressorti à 57. C'est-à-dire qu'en 3 semaines, pour l'ONU, je suis devenu une victime de la famine. Officiellement, j'étais mais tellement, tellement mal. Et ça a été 3 semaines. En plus, tu sais, à Avignon, tu fly, donc tu donnes des flyers à des gens qui en ont déjà reçu 28 dans le quart d'heure qui a précédé, ouais. Avec des compagnies qui sont tous déguisés en personnages de Molière, des mecs qui ont fait des démonstrations d'hypnose dans la rue, des gars qui font de la capoeira, et toi, tu arrives en disant « Ouais, j'ai un spectacle, c'est rigolo, t'es battu d'avance. » 3 semaines de cauchemar. Mais… Ah. Je regrette pas de l'avoir fait, évidemment, parce que déjà j'ai appris ce que c'était qu'Avignon, j'ai grandi d'un coup, hein. C'est-à-dire que j'ai vieilli de 10 ans en maturité en très peu de temps. Mm-hmm. Et c'est là en fait que je me suis dit le bon vieux temps de la télé et de la radio où tout marche, c'est terminé. Maintenant c'est le temps de la scène et il va se passer des étapes compliquées, ouais. Ouais, du coup, ça t'a permis de vraiment reprendre des bonnes bases et tout pour repartir. En fait, t'as compris la réalité du ouais. Terrain, quoi. Et t'as compris que maintenant, il fallait bosser 3 fois plus et tout, que c'était ouais. Une vraie jungle, entre guillemets, le milieu de la scène et tout. Et ça t'a donné les armes pour certainement faire un autre Avignon ou faire de la scène le reste de l'année. Enfin, je veux dire, je pense que tu as été beaucoup mieux préparé à ça, quoi. Et déjà, je tenais à te remercier parce que grâce à toi, du coup, je sais quel est mon problème par rapport au poids. Tu vois, j'ai du mal à perdre du poids. Je vais m'inscrire au prochain Avignon. je te remercie. Je cherchais, tu vois. C'est pas comme j'aime qu'il faut faire. C'est Avignon. C'est comme ça. Il faut faire comme j'aime pas Avignon. Et là, tu perds, ouais, tu perds. Alors, absolument. J'ai adoré en touriste, pour le coup. Oui. En festivalier, c'est super. Mais pendant 3-4 ans, j'ai refusé obstinément de le faire. Et puis, j'y suis retourné quand même en 2019 avec un autre spectacle. Mais cette fois, j'étais armé quand même. Le spectacle, il était rodé. Je savais où je voulais aller. J'avais un producteur. Enfin, à la sortie d'Avignon, j'étais quand même reparti avec un producteur avec lequel ça ne s'est pas très bien passé pour deux raisons. La première, c'est que je sors d'Avignon en septembre 2015. Et je signe avec un producteur en octobre 2015. Qu'est-ce qui se passe en novembre 2015? Les attentats et 95% des gens ne viennent plus au théâtre. Donc, au moment où on signe, le métier s'arrête. Et en tout cas, tout le développement. On peut encore mettre les gros spectacles sous perfusion, mais le développement s'arrête. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que dans les galères d'humoristes, il y ait la Syrie. L'influence de la géopolitique mondiale et donc du coup là je me retrouve malgré le soutien d'un producteur complètement désemparé quoi désemparé et à la ramasse parce que la situation du monde a changé et comme la situation du monde m'avait déjà un peu giflé au moment de Charlie Hebdo moi j'ai été très traumatisé par Charlie Hebdo parce que c'était des humoristes hein, quand même on va pas se mentir hein. C'est pas juste des dessins et donc je l'avais pris comme étant des collègues qui se font abattre pour avoir fait des blagues donc nécessairement je me projette je me dis je suis dans la même situation ah oui, y a beaucoup d'humoristes qui ont ressenti ça aussi ouais. Ouais, ça a été une vraie gifle. Et au moment des attentats, là, il y a une vraie remise en question sur le contenu du spectacle, où je me dis, je ne peux plus faire ce one man. C'est-à-dire, il est maudit. Je l'aime beaucoup, je ne le renie pas du tout. J'aimerais beaucoup le rejouer quand le monde sera un peu plus apaisé. Mais c'était un spectacle de 30 glorieuses, quoi. C'était un spectacle que tu Ouais, peux jouer quand tout va bien. Parce d'accord. que c'était un truc sur on a le droit de rêver, écouter l'enfant en soi, machin. Et ce truc-là n'existe plus dans un monde où tu peux avoir des tragédies comme celle-là. Donc là, j'ai une vraie remise en question et je me dis, ce truc-là, il faut peut-être le foutre au panier. Et mon producteur, de toute façon, il me disait, en fait, je l'ai signé, mais c'est pas ma came. C'est pas mon truc, je sais pas défendre un truc comme ça. Moi, je fais du stand-up pur et dur. Et un truc un peu théâtral, c'est pas mon truc. Donc je vais te le rendre. Et puis on va se quitter bons amis. Et on s'est quittés bons amis. D'ailleurs, on s'entend toujours très bien. Enfin, ça, on n'est pas parti fâché. On est parti sur un désaccord artistique. Et donc du coup, je me retrouve avec un spectacle dont je sais pas quoi faire, une carrière dont je sais pas quoi faire. Et je me dis, je vais peut-être arrêter. Je vais arrêter ou je vais faire un suicide scénique. Et je partirais au moins sur un truc punk. Au moment de MeToo, Balance ton porc, Nuit debout, tout le réveil des mouvements, ce qu'on appelle les mouvements woke, toutes les théories sur l'hétéro-patriarcat blanc, etc. De faire un spectacle qui s'appelle Blanc et hétéro, disant, on va voir si les gens me détestent. Et alors, c'est pas que les gens te détestent, c'est que effectivement, ça fait un peu du bruit. Et je me dis, ah bah au moins le titre, il fait un peu parler, ça fait un peu de buzz, etc. Oh, ça interpelle, oui, c'est sûr. Ça interpelle. Et je me dis, cool, ça va ramener du monde dans la salle. Sauf que pas du tout. Ça fait juste parler les gens sur Twitter ou sur Facebook. Mais il n'y a pas plus de spectateurs que ça, parce que Ah. c'est un thème qui intéresse les gens de Twitter, mais pas plus. Et au moment où je commence à développer ce truc, j'ai quand même une date qui est signée en province à la suite de mon premier Avignon, qui était une vieille date en stock. Je la fais. Et là, il y a un producteur dans la salle qui me dit ben, moi, j'ai bien aimé, j'aimerais bien produire ce spectacle. Je dis ben, moi, j'ai plus envie de le jouer. Il me dit ben, je vais te produire quoi que tu fasses. Et là, c'est la Ah, fin des galères. c'est beau ça. Ouais. Il me dit, j'ai vu ça, moi j'aimais bien les Gérard, je suis convaincu que tu as des capacités, dis-moi ce que tu veux faire, je te suis. Et je lui dis, ben, je veux faire blanc et hétéro pour crever sur scène avec un truc punk, et après j'arrêterai. Et il me dit, ben, je ne vais pas te signer pour que tu arrêtes, mais je pense qu'il y a du potentiel dans ce projet, gratte quelques trucs, mais moi ça m'intéresse, je te programme, il n'y a pas de problème, je te fais tes cachets. Je t'aide à le développer et voilà. Et c'est un producteur qui s'appelle Benoît Agoyer, qui produit Élodie Poux, entre autres, et Michel Fresnat, Karine Dubernay, et Charlotte Boisselier, et qui me dit ben voilà, ce projet m'intéresse, j'ai toute confiance en toi, on y va. Et il m'a fait confiance, et le fait qu'il me fasse confiance m'a redonné de la pêche, et j'ai plus envie de mourir sur scène, et j'ai eu envie de continuer à jouer, j'ai eu envie de continuer à faire rigoler les gens, et le spectacle, du coup, s'est un peu transformé. Et d'un coup de gueule, c'est devenu un dialogue, puis une histoire d'amour. Et puis après, j'ai rencontré ma femme et elle m'a aidé à le développer encore plus. Et maintenant, le spectacle y remplit. Et c'est grâce à eux. Et c'est là que je me suis rendu compte que la fin des galères, c'est quand tu rencontres le bon entourage. J'étais bien entouré sur le développement du premier spectacle, parce que j'avais une très bonne metteur en scène. Mais après, j'ai trop fait les trucs tout seul. Et tout seul, c'est la galère. La fin de la galère, c'est l'entourage qui te la porte. C'est quand tu es avec ben, la bonne compagne, le bon producteur, les bonnes attachées de presse, le bon régisseur, tous les gens autour de toi, les gens avec qui échanger pour faire des vannes, qui sont des co-auteurs, mais plus de l'ordre de la camaraderie que professionnel. Et tous ces gens-là, que ce soit en vie privée ou en vie professionnelle, m'ont aidé à voilà à quitter le moment où ça se passait moins bien. Et voilà, la galère, c'est quand tu es tout seul Le succès, c'est quand tu as le bon entourage, ou en tout cas la fin de la galère, le moment où ça devient agréable. Parce que ce serait prétentieux de dire que j'ai du succès, mais en tout cas, ça marche mieux qu'avant. Ça, c'est quand même dû au fait que je sois plus seul. Ça, c'est la grande leçon pour nos amis qui nous écoutent. Changer de meuf. Changer de meuf, c'est à cause d'elle, en fait. D'accord. Non, mais c'est vrai que moi, je lui rends hommage parce que, Oui. elle, parce que elle... Je vais juste devoir couper le podcast en fait parce que j'ai une discussion à avoir avec ma femme. Ouais. Non, mais je lui rends hommage parce que je sais que voilà, elle a eu du recul sur ce que je faisais. Elle m'a dit, vaut mieux que tu dises comme ça, puis comme ça, fais une conclusion plutôt dans cet esprit-là. Et c'est vrai que ça a sublimé le spectacle. Et pareil pour les vidéos. Elle m'a tordu le bras pour que je fasse des vidéos en me disant, c'est les vidéos ou la mort. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, il n'y a plus d'émissions de télé, il n'y a plus d'émissions de radio, ou très peu. Les places sont prises et elles sont chères. Si tu veux développer ton truc, c'est vidéo, internet ou rien. Et on a bossé comme des chiens pour trouver le format dans lequel je me sens à l'aise. Et on a voilà, tous les trois, avec Benoît Agoyer, elle et moi, on a trouvé la formule qui a fait que pendant le confinement, ça a décollé. Et du coup, les galères sont derrière nous. C'est Mais. magnifique, franchement, ton histoire est vraiment inspirante et belle. Et justement, ça me rappelle quelque chose, parce que au début, quand tu as commencé à m'expliquer que c'était très très dur pour toi d'être passé par le succès avec Carl Zéro, le succès avec les Gérards et tout, et qu'après tu es parti 2-0 finalement, tu as vraiment galéré devant 5 personnes, tout ça, j'allais te dire. Quelque part, je pense que ça a quand même eu du positif parce que même si tu repars de zéro, tu repartais pas réellement de zéro. Tu avais quelques contacts intéressants, tu avais une connaissance un petit peu du milieu du showbiz et tout, donc ça pouvait t'aider. Et la preuve, Benoît t'a produit, il t'a dit je te fais confiance parce que j'ai beaucoup aimé les Gérards. Tu vois, donc quelque part, ton passé t'a rattrapé dans le bon sens. Moi, j'ai eu l'impression qu'il était en train de relancer Hatem Ben Arfa. Tu vois, il s'est dit, Ah. ça marchait bien, et puis à un moment, il s'est perdu. Il y a moyen de. Mais je pense que le talent, est là, donc je le relance, et puis on verra ce que ça donne. Et c'est un peu ce que Ben Arfa a eu à Nice, quoi. Il y a eu 4 ou 5 ans de galère, après Lyon, et puis après, il y a eu Nice avec un gars qui lui a fait confiance et qui l'a relancé. Et là, il a donné vraiment le. On réussit mieux quand on est tombé parce qu'on sait ce que c'est. Et du coup, on sait ce qui est important. Et moi, en fait, passer à la télé ou passer à la radio, ça me plaisait, mais c'est pas ça qui était important. Ce qui était important, c'était de délivrer un message. En étant seul, j'avais oublié ça. Et c'est des gens qui me l'ont rappelé. Pourquoi tu es sur scène? Pourquoi tu fais ce métier? Pourquoi tu as choisi ça? On n'est jamais son meilleur juge. Quand on est tout seul, on a tendance à monter sur scène pour régler des problèmes personnels. C'est un peu des crises d'ego. Quand on est entouré, il y a des gens qui vous posent la question, qui disent, mais qu'est-ce que tu cherches à faire? Et ça oblige à se canaliser, à chercher vraiment la vraie bonne raison. Par conséquent, à laisser de côté les mauvaises. La chute m'a permis ça. Le fait de m'être vautré, ça m'a permis de me reconcentrer sur l'essentiel. Ah ben c'est une très très belle leçon. On te remercie pour cette belle motivation que tu nous apportes et tout. On remercie également Benoît d'avoir sauvé quelque part ta carrière, enfin de t'avoir donné les clés pour ça. Je trouvais l'exemple avec Ben Arfa très très parlant et je me demandais, et je pense que tous les auditeurs se posent la question, est-ce que Benoît peut faire quelque chose pour le retour de Benzema en équipe de France? Si seulement. Ah, on va parler foot 2 secondes, mais quel gâchis énorme, quoi. Quel dommage, quel dommage. Parce qu'en plus, tout le monde dit que le mec est plutôt sympa. Je suis sûr qu'une conversation avec Deschamps dans un bar où ils s'expliquent, vraiment ils vident leur sac, ça ferait quand même beaucoup. Quel dommage, quel dommage, quel gâchis énorme. Et en même temps, on est champion du monde. Donc tu peux même pas dire que l'autre a tort. Tu vois, c'est ça qui est Ouais. horrible. Tu peux même pas dire il a tort, tu peux même pas dire ouais, Giroud, c'est un choix par défaut, machin. Non, c'est un champion du monde. Il a quand même. Puis ils ont mis 4 buts en finale. En plus, c'est pas un truc de raccroc, quoi. Donc, quel dommage. Ouais. C'est un dommage, c'est dommage esthétiquement, mais comme ça n'a pas touché à l'efficacité, ah, c'est difficile. Mais bon, Je peut-être que comprends. Benoît arrivera à faire quelque chose. Ben, C'est jamais. le message est lancé, hein, Benoît, on compte sur toi. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation.